Lettre 15e. Police des rues, cardage de matelas, étamage de casseroles, construction de maisons, préparatifs pour les boueurs, manque d'égout, mauvais pavé, obscurité. Ma dernière lettre traitait d'un sujet qui m'inspirait tant de motifs d'admiration qu'aujourd'hui, quand ce ne serait que pour varier un peu, je laisserais prévaloir la veine de la critique. Telle étant donc mon humeur, ou si vous voulez, ma mauvaise humeur, je vais l'exhaler en vous apprenant ce que je pense de la police des rues de Paris. Je ne dirai point qu'elle est mauvaise, car je ne doute pas que bien des personnes n'aient fait cette observation avant moi, mais je vous dirai que je la regarde comme quelque chose d'étonnant, de merveilleux, de mystérieux, d'incompréhensible. Dans une ville où tout ce qui doit frapper les regards se change en objet d'ornement, où les boutiques et les cafés ressemblent à des palais enchantés, où les marchés sont arrosés par des fontaines dans lesquelles les naïades les plus susceptibles prendraient plaisir à se baigner, dans une ville, dis-je, où les femmes paraissent trop délicates et trop gracieuses pour être des créatures tout à fait terrestres, et les hommes trop soigneux et trop galants pour permettre qu'un souffle d'air impur approche d'elles, dans cette même ville, vous ne pouvez faire un pas sans que votre vue et votre odorat soient choqués et dégoûté de toutes les façons imaginables. Chaque jour, ma surprise à cet égard augmente, car j'acquiers chaque jour une conviction plus intime qu'une grande partie du bonheur de la vie est détruite à Paris par l'impardonnable négligence de l'administration municipale, qui n'aurait cependant pas beaucoup à faire pour épargner au peuple le plus élégant du monde le dégoût que doivent lui faire éprouver les outrages à la plus simple décence qui se commettent perpétuellement dans les rues. C'est là un sujet sur lequel il est impossible de s'étendre davantage. Mais il y a d'autres points à l'égard desquels la négligence dans la police des rues se montre d'une façon aussi claire, quoique moins pénible. Ceux-ci peuvent se décrire sans inconvenance, et quand on les combine avec la passion pour tout ce qui est gracieux en fait d'ornement, caractère distinctif du peuple français, ils présentent à votre observation des contrastes si frappants qu'on est singulièrement embarrassé dès qu'on cherche à les expliquer. Dans cette saison de l'année, on ne peut traverser aucune rue de Paris, quelque distingué que soit le quartier où elle est située ou la société qui la fréquente, sans être à chaque instant obligé de se détourner de son chemin pour ne pas heurter plusieurs femmes couvertes de poussière et probablement aussi d'insectes dégoûtants. L'occupation de ces femmes consiste à défaire les matelas au milieu de la rue, à carder, retourner et secouer la laine sur tous les passants qui font en vain un long et sale détour pour ne pas avaler la poussière qui en sort. Il n'y a pas plus d'une demi-heure qu'en venant du boulevard des Italiens, j'ai passé devant la salle de l'opéra où j'ai vu une vieille femme occupée de cette dégoûtante opération. Elle y passera sans doute la journée entière et enlèvera son lit tout juste à temps pour permettre au duc d'Orléans de descendre de voiture et d'entrer à l'opéra sans la heurter, mais certainement pas assez tôt pour l'empêcher de recevoir sur ses habits une portion des superfluités animées et inanimées que pendant tout ce temps elle a répandues dans l'air. J'ai vu, il y a quelques jours, un homme fort bien mis recevoir une grave contusion à la tête et souffrir un dérangement notable à son costume pour s'être embarrassé le pied dans l'attirail d'un chaudronnier ambulant qui avait étalé sur le trottoir de la rue de Provence son fourneau, son soufflet, son pot et tous les autres objets nécessaires à l'exercice de son métier. Quand cet accident arriva, plusieurs personnes passaient qui toutes purent sympathiser sincèrement avec le malheur de la personne qui était tombée, mais dont aucune ne songea à faire le moindre reproche au chaudronnier de ce qu'il avait indûment envahi la voie publique. Et cet industriel ambulant lui-même ne jugea pas nécessaire de faire la plus légère excuse ou de déranger le moins du monde la disposition de sa boutique en plein vent. Toutes les fois qu'à Londres on construit ou répare une maison, la première chose que l'on fait est d'entourer le terrain d'une haute enceinte de planches, afin d'empêcher que les travaux qui s'y font ne gênent le public dans la rue. La seconde opération est de disposer le long de l'extérieur de cette enceinte un trottoir provisoire, soigneusement protégé par des bornes et des palissades, afin que l'obstruction indispensable du trottoir ordinaire produise le moins d'inconvénients possible. À Paris, au contraire, quand vous passez devant une maison en construction ou en réparation, vous croyez arriver inopinément sur le théâtre de quelque affreux accident, tel qu'un incendie ou l'écroulement d'un édifice, et vous ne doutez pas qu'au bout de quelques heures, tous les gravois ne soient enlevés et que la voie publique ne soit déblayée. Au lieu de cela, tout reste dans le même état pendant des mois entiers, au grand tourment du passant, sans que l'autorité municipale y fasse la moindre attention ou songe à y remédier. Si une charrette charge ou décharge dans la rue, on lui laisse prendre et garder la position la plus incommode, sans s'inquiéter le moins du monde du danger ou du retard qu'elle peut et doit occasionner aux voitures et aux piétons qui sont obligés d'en faire le tour. Des abominations de toutes sortes se commettent sans aucun scrupule dans la rue, à toutes les heures du jour ou de la nuit, et attendent le boueur qui vient le matin les enlever. Trop heureux l'humble piéton quand ses yeux ou son nez n'en souffrent point, heureux s'il ne vient point en contact avec elle, au moment où elle sort sans cérémonie des portes ou des fenêtres. Quel bonheur est l'exclamation habituelle quand on y échappe, tandis qu'un regard, plus triste encore que courroucé, jeté sur ses habits, est la seule réponse de l'infortuné qui vient d'être arrosé des pieds jusqu'à la tête. Quant au monstrueux barbarisme d'un ruisseau au milieu de la rue, expressément formé pour la réception des ordures, et qui gâte encore la plus grande partie de cette superbe ville, tout ce que j'en pense, c'est que la patience avec laquelle les habitants des deux sexes le supportent au milieu du XIXe siècle est pour moi un mystère inexplicable. Je crois réellement que les seules choses au monde que les autres hommes font et que les Français n'ont jamais pu faire sont des égouts et des puisards. La semaine dernière, après une heure ou deux d'une très forte pluie, la partie de la place Louis XVI qui est près des Champs-Élysées demeura couverte d'eau. La direction de la petite voirie, après avoir attendu un jour ou deux pour voir ce qui arriverait, s'étant aperçue que la boueuse mare ne disparaissait point, fit appeler 26 hommes vigoureux qui se mirent à creuser une rigole, comme celle que les petits garçons s'amusent à faire près d'un vivier. Grâce à cette manœuvre, si heureusement imaginée, l'eau stagnante fut enfin conduite à l'égout le plus voisin. Après quoi les travailleurs se retirèrent leurs bêches sur l'épaule et le canal boueux, mais sec, resta pour orner cette place magnifique qui, avec un peu de soin, pourrait devenir une des plus belles du monde. Je ne sais si je ne serais pas trop exigeante en me plaignant de ce que les rues de Paris n'ont pas encore adopté notre dernier perfectionnement. Je ne puis cependant m'empêcher de penser, après avoir passé quelques semaines ici, que le pavé à la MacAdam des rues de Londres est la plus admirable de toutes les inventions. Le bruit excessif qui règne à Paris, et qui provient soit de l'inégalité du pavé, soit de la construction défectueuse des roues et des ressorts des voitures, est si violent et si continuel qu'il est impossible de ne pas se persuader qu'il doit être l'effet de quelque cause toujours existante. C'est un tourment qui exige une grande habitude pour pouvoir le supporter sans souffrir. Mais il y a un autre inconvénient auquel il serait bien plus facile de remédier et dont on peut sans injustice accuser la police des rues. C'est la profonde obscurité qui règne dans toutes les parties de la ville où il n'y a point de boutique éclairée par le gaz. Cet éclairage est si brillant dans les cafés et restaurants qui garnissent les boulevards que l'on oublie l'existence même de cet antique réverbère suspendu à de longs intervalles au-dessus du pavé. Mais à peine a-t-on quitté cette région de lumière et de gaieté qu'on est plongé dans d'horribles ténèbres, et il n'y a pas de petite ville de province en Angleterre qui ne soit incomparablement mieux éclairée que toutes celles d'entre les rues de Paris dont les habitants dépendent, pour y voir, des règlements de l'administration publique. Comme évidemment des tuyaux de gaz existent partout, à l'usage des personnes qui s'en servent dans leurs maisons, j'ai eu de la peine à comprendre pourquoi l'on continuait à préférer ces tristes réverbères avec leur sombre huile à la belle lumière du gaz, qui rivalise avec celle du soleil. Mais on m'a dit que la cause en est un contrat passé avec les entrepreneurs de l'éclairage et dont le terme n'est pas encore expiré. Mais si l'agrément du public était consulté en France avec le même soin qu'il l'est en Angleterre, les prétentions de tous les allumeurs de réverbères du monde ne pourraient empêcher l'administration d'éclairer convenablement les citoyens, quoi qu'il en dût coûter pour désintéresser les entrepreneurs dépossédés. Je pourrais citer d'autres exemples encore des inconvénients qui défigurent cette ville de plaisir, mais je ne veux pas m'appesantir trop longtemps sur ce sujet, et je me bornerai à dire qu'une police des rues, à l'instar de celle de Londres, serait incontestablement un des plus grands bienfaits que le roi Louis-Philippe put accorder à sa belle ville de Paris.